donner mon avis par moment. Je participe au présent coordonné. Je sais par les bons et les mauvais côtés. Sache reine et singulière quand il s'agit de corriger tes arrières. Hey, écoute ce que je dis, fais pas ce que je fais. Moi depuis toute petite, je conjugue le verbe d'être à l'imparfait. Je te sens pas plus objectif que moi. Quant à ce que t'as été, ce que t'es, ce que tu seras. Genre monsieur cherche à changer de sujet. Pour nombre de mes attributs imparfaits, invariablement mon avis vaut ce qui vaut, vaut bien le tien par moment. Hey, écoute ce que je dis, fais pas ce que je fais. Moi depuis toute petite, je conjugue le verbe être à l'imparfait. L'imparfait.